Hybridation. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le narrateur fait la connaissance du peintre Elstir, qui l'invite dans son atelier. Naturellement, ce qu'il avait dans son atelier, ce n'était guère que des marines prises ici, à Balbec. Mais j'y pouvais discerner que le charme de chacun consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, analogue à celle qu'en poésie on nomme métaphore, et que si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c'est en leur ôtant leur nom, qu'en leur en donnant un autre, qu'Elstir les recréait. Les noms qui désignent les choses répondent toujours à une notion de l'intelligence, étrangère à nos impressions véritables, et qui nous force à éliminer d'elles tout ce qui ne se rapporte pas à cette notion. On ne peut bien évidemment inventer un mot pour chaque chose lorsqu'on écrit. On ne serait alors compris que de soi seul. Mais on peut en inventer quelques-uns, des noms propres par exemple, qui renfermeront en eux une multitude d'autres noms communs, associés à nos impressions. Combray, Balbec, Guermantes. On peut également détourner un mot de son sens courant et l'utiliser métaphoriquement. Dans ce glissement d'un sens vers un autre, les contours s'estompent. Prise au dépourvu, l'intelligence laisse la place à des perceptions presque animales. Une de ses métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. Cette hybridation des impressions, ce flottement de la lumière dans les tableaux d'Elstir ou de Monet, nous les retrouvons dans la musique de Claude Debussy. Les trois esquisses symphoniques qui composent la mer nous font baigner dans une houle d'impressions aux contours estompés. Cette hybridation repose sur une technique de composition originale. Au lieu d'employer une gamme reconnaissable dès les premières notes, la majeure, sol majeur, c'est sur des gammes hybrides que Debussy fait voguer ses lignes mélodiques, comme le souligne Jean Baraquet. Le mode saisi-engendré donne cette échelle, par ton et demi-ton, 1, 1, 1, 1 demi, 1, 1 demi, 1. Ce mode n'est pas un mode classé, mais un mode composite, qui résulte, par interférence, du croisement du mode de sol et du mode de fa par tritonisation du quatrième degré. Transposée en littérature, cette technique d'hybridation donne à La recherche du perdu ou bien à Daoulardeur. Des romans où la gravité des impressions, comme on parle de la gravité des astres, déforme l'espace-temps. La chronologie rassurante du récit s'efface derrière la houle mouvante des impressions. Le roman est un pêcheur vénitien qui offre l'algue éphémère de la poésie. Gilles Roqueton, bonheurdujour.net.